En signe de soutien à l'appel lancé par la réunion conjointe du gouvernement, des partis politiques et des formations de la République populaire démocratique de Corée pour appliquer à fond les tâches de la réunification de la patrie, précisé dans le message de Nouvel An par le dirigeant suprême Kim Jong-un, en vue de faire de 2017 une année significative pour un nouveau tournant de la réunification indépendante, des communications ont été publiées le 23 janvier par le président de la direction de la métropole de Tokyo, le président de la direction de Hokkaido et d'autres présidents des directions de l'Association générale des Coréens résidant au Japon. Ils ont déclaré d'expliquer en profondeur la volonté du grand homme pour la réunification exprimée dans l'appel de mener une lutte particulière pour s'opposer résolument et de rejeter les forces serviles à l'égard des grandes puissances et d'éliminer le danger de guerre dans la péninsule coréenne.